crois. Pour y arriver, j'ai tout donné. Matin, midi, soir. Ça va aller. J'ai connu des galères. Je regarde en arrière. J'en ai vu de toutes les couleurs. Quand on a l'impression que tout s'effondre, t'es pas tout seul. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Même si parfois t'as plus d'espoir, que t'as moins d'argent que tu ne l'espères. S'il y a des soirs où tu te déçois, parce que tu te laisses faire. Je sais c'est dur, pour moi c'est pareil. Pense au futur, pas ce qui s'est passé. Dis-toi que ça va aller toute l'année, même si c'est pas vrai.